Je me suis effréné, effréné. Pendant toutes ces années, à rester à tes côtés, à te cajoler, t'écouter, tout en étant effacé, effacé. Je ne suis plus certain maintenant, en tout analysant, avec le recul du temps, qu'il y ait retour sur investissement. Je t'ai presque tout sacrifié, pendant toutes ces années. J'ai beaucoup travaillé lorsque tu l'as exigé, sans jamais rien compter, rien compter. Je ne suis plus certain maintenant, en tout analysant, avec le recul du temps. Qu'il y ait retour sur investissement. Oh oh oh. Oh oh. J'ai cru en ta loyauté, loyauté. Pendant toutes ces années, j'ai eu la volonté de me laisser porter sans jamais rien demander, rien demander. Je ne suis plus certain maintenant, en tout analysant, avec le recul du temps, qu'il y ait retour sur investissement. Je ne suis plus certain maintenant, en tout analysant, avec le recul du temps, qu'il y ait retour sur investissement. Oh oh. Oh oh. Et puis tout a empiré, empiré. Pendant plusieurs années. D'abord interloqué, il a fallu se plier aux contraintes notifiées, notifiées. Je ne suis plus certain maintenant, en tout analysant, avec le recul du temps, qu'il y ait retour sur investissement. Et puis se sont succédés, succédés, depuis presque une année, des restructurations forcées, je me suis retrouvé cassé lorsque tu m'as licencié, licencié. Je ne suis plus certain maintenant, en tout analysant, avec le recul du temps, qu'il y ait retour sur investissement. Thank you.